France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Marc Floriot, bonsoir. Russie, Afrique, Rome. Immigration des Russes, décolonisation et processus d'indépendance. Compromis judéo-chrétien dans l'attente d'une future alliance. Tels sont les contextes évoqués aujourd'hui de l'action de Golda Meir au micro de Patrice Galbo dans ses 5e et 6e volets d'une série de 10 consacré à cette période pionnière des débuts de l'État d'Israël. Deux émissions diffusées la première fois les 16 et 19 décembre 1977. Dans la série Les grands contemporains, Patrice Galbo propose Entretien avec Golda Meir. Avec Eliaou Ben Elissar, Mandera Agazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kadar, professeur Yeshayahu Leibovitch, Haru Levavi, Daniel Mayer, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. Madame Meir, qui souhaiteriez-vous que j'interroge en France pour parler de vous? I have many friends there, and many people who are not friends. And it wouldn't be nice to choose only the friends. They would say nice things. Il y a en France des gens qui m'aiment et d'autres qui ne m'aiment pas. Il vaudrait mieux vous adresser à ceux qui m'aiment. Golda Meir, être juif de nos jours, qu'est-ce que c'est exactement, profondément? First place, it's very difficult. Yes. With many problems. Avant toute autre chose, c'est très difficile, avec beaucoup de problèmes. But we are different than other people also in this way. We are the only country, we are the only people in the world where religion and nationality are identical. Il y a une grande différence entre le peuple juif et les autres peuples. Nous sommes la seule population au monde pour qui religion et nationalité ne sont qu'une seule et même chose. One can be a Frenchman, a Catholic, and other Christian sects. Protestant, you can be a Baptist, you can be a Protestant, and you can be a Frenchman. Yes. The same is true of America. You can be a Buddhist, you can be a Catholic, you can be a Presbyterian, but you're an American. You can't be a Jewish Catholic. Un Français peut être catholique, protestant, orthodoxe, il est toujours français. En Amérique, c'est pareil. Vous pouvez être bouddhiste, catholique, protestant, vous êtes toujours américain. Mais vous ne pouvez pas être un juif catholique. Anyone that leaves the Jewish religion automatically goes out from the Jewish people. Because there is no such thing as a Jewish Catholic or a Jewish Presbyterian. Because the religion, Jewish religion, and Jewish nationality is absolutely identical. Un juif qui renie la religion juive s'exclut lui-même automatiquement du peuple juif tout entier. Pour nous, je le répète, nationalité et religion sont indissociables. Now, why is it so difficult to be a Jew? First place, we are different from other people. We have for 2,000 years wandered around the world. Wherever we lived, we were a minority, and a minority that is different from the majority of the people among whom we lived. Je vous disais à l'instant que, avant tout, être juif, c'était difficile. Oui, nous ne sommes pas comme tout le monde. Depuis 2000 ans, nous errons sur la terre. Et où que nous nous arrêtions, nous constituons toujours une minorité. Et une minorité est toujours différente de la majorité des gens parmi lesquels elle essaie de prendre place. Different in religion, different in language, with no state of our own, and yet never giving up the hope and the belief that we will be a state again. Différente par sa religion, sa langue, différente parce que sans état reconnu, et différente aussi parce que malgré tout, elle n'abandonne jamais l'espérance de retrouver sa vraie patrie. Jews were loyal citizens in all the countries that they lived. But it was no secret that the ideal of the Jewish people is to come back to our homeland. We had a homeland, but we were driven out of it. Dans tous les pays où ils ont résidé, les Juifs ont toujours été des parfaits citoyens, mais ce n'est pas un secret. Pour personne, leur seul espoir a toujours été de rentrer chez eux. Nous avons eu un chez nous, une terre natale, et nous en avons été chassés. And in this homeland, Israel, this is where we started. This is where our religion was formed. This is where the Ten Commandments were given to the world. This is where the ethical code of the Jewish people was received. Cette terre, c'est Israël. Là, nous sommes nés. Là, notre religion nous a été donnée. Là, les 10 commandements ont été révélés au monde entier. Là, s'est nourrie toute l'éthique du peuple juif. And people usually, I think, do not like people that are different. And people that are different, and they are obstinate. They won't give up. Le malheur est que les gens n'aiment pas ceux qui ne leur ressemblent pas, ceux qui sont différents. Et ceux qui sont différents sont obstinés, ils n'abandonnent pas. Now, throughout the 2,000 years, of course there were some Jews that couldn't take the difficulty of being Jewish. And they left. And they became Christians. Bien sûr, tout au long de ces 2000 années, il y a eu des Juifs qui n'ont pu assumer la difficulté d'être Juifs. Ils ont renié leur religion, ils sont devenus chrétiens. But the Jewish people remained. And this is the only instance in human history where you have a situation of this kind, where a people for 2,000 years wander all over the world and are always a minority among people that their culture and their way of life is much stronger because they're the majority. And yet, we safeguarded both our religion and our hopes and our ideals. And people don't like it, evidently. Mais le peuple juif, dans son ensemble, est demeuré ce qu'il a toujours été. Et c'est le seul cas dans l'histoire où un peuple ou des individus dispersés, éparpillés à travers le monde pendant 2000 ans, un peuple qui a toujours été une minorité, ait conservé intact son idéal, sa culture, ses traditions, sa religion, ses espoirs. Les autres, évidemment, n'aiment pas beaucoup ça. So it, it was different in various countries, from the brutality of the Inquisition Now, during the Inquisition, if one can say so, it was better than under Hitler, because during the Inquisition it was sufficient if a Jew says that he becomes a Christian, he was allowed to live. Hitler didn't accept that. Hitler, if your great-grandmother was Jewish, that was enough for you to go to the gas chambers. But Jews during the Inquisition were burned alive because they wouldn't become Christians. Il y a eu des époques terriblement dures. L'Inquisition en particulier a été atroce, mais moins monstrueuse que l'époque hitlérienne, car pendant l'Inquisition, il suffisait à un juif de se convertir au christianisme pour avoir la vie sauve. Hitler n'a pas accepté ça, lui. Avoir une grand-mère juive, c'était assez pour vous envoyer à la chambre à gaz. Sous l'Inquisition, les juifs étaient brûlés vifs s'ils ne voulaient pas se convertir au christianisme. When I was on an official visit to Peru as foreign minister, and Peru also was in the Inquisition. J'ai effectué une visite officielle au Pérou quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Au Pérou, il y a eu l'Inquisition. I went into a house where they preserved the court to which they brought Jews to be tried. And they were tried for being Jews. J'ai visité une maison où l'on peut voir la cour où étaient parqués et jugés les Juifs simplement parce qu'ils étaient Juifs. And of course, the decision was always the same. They have to be burned. Et bien entendu, la sentence était toujours la même. Sera brûlé vif. And I saw the courtroom. And then I went down into the basement where there were the cells into which the Jew was thrown before he was taken out in that big square where in the middle of the square he was burned. All they had to do was to say, I'm prepared to become a Christian. And he would have remained alive. J'ai vu cet endroit et je suis descendu dans les caves où il y a les cachots. On y jetait les Juifs avant de les brûler sur la grande place. Au centre de cette place, on les faisait monter sur un bûcher, mais s'ils prononçaient ces simples mots « Je veux être chrétien », on les laissait en vie. So in Spain and in Peru, they were burned because they refused to give up their religion. It's an obstinate people. Vous voyez, que ce soit au Pérou ou en Espagne, on brûlait les Juifs parce qu'ils se refusaient à abjurer leur foi. Nous sommes un peuple obstiné. And then the Tsarist Russia with the pogroms, and in various other countries in the world, there were special laws against Jews. There weren't always pogroms, they weren't always killed, but there were certain limits to their rights. Il y a eu aussi la Russie tsariste avec ses pogroms. Il y a eu dans bien d'autres pays des lois spéciales contre les Juifs. Mais heureusement, il n'y a pas eu que des pogroms, et les Juifs n'ont pas toujours été tués. Mais presque partout, on a mis des limites à leurs droits légitimes. But I, to my sorrow, I cannot say that anti-Semitism has disappeared. It's not governments that are anti-Semitic. But there is anti-Semitism. Wherever there are Jews, there's anti-Semitism. Cependant, je dois dire, et j'en suis navré, que l'antisémitisme n'a pas disparu. Il n'y a plus de gouvernement antisémite, mais l'antisémitisme existe. And sometimes even where there are no Jews, there's anti-Semitism because a Jew to them, they've never seen a Jew, but a Jew to them is somebody with horns. Partout où il y a des Juifs, il y a des antisémites. Et même parfois, là où il n'y a pas de Juifs, il y a des antisémites. Parce que pour eux, qui n'ont de leur vie vu un Juif c'est le diable, avec des cornes. So, it hasn't been easy throughout generations upon generations to be obstinate and to remain a Jew when the surroundings didn't accept it. Vous voyez, c'est pas facile de continuer à s'obstiner quand ceux qui vous entourent ne vous acceptent pas parmi eux. And to be a Jew is to be faithful to one's religion, to one's nation, and no matter what difficulties we had in the past, to my sorrow we have them now too, to believe that somehow we will go through. Être juif, c'est avoir une foi absolue en sa religion, en sa patrie, en sa nation, et quelles que soient les difficultés que nous avons pu avoir, et que nous avons encore, j'ai la tristesse de le dire, croire que d'une façon ou d'une autre, nous en verrons la fin. Vous avez souvent proclamé que les Juifs haïssaient la guerre et la mort. Ils ne sont pas les seuls. I believe that to us, for instance, life. I don't think it's only among the Jews, but life is sacred. Non, bien sûr, mais pour nous, la vie humaine est absolument sacrée. For instance, on the Sabbath, an observant Jew is not allowed to do many things. But there is a law which says to save a life is more important than to observe the Sabbath. The Sabbath is the holiest thing. But if you have to save a life, then you can break all the laws of the Sabbath. And that's as important as safeguarding the Sabbath, more important. So life in itself is something very, very sacred. Now, naturally, the most terrible thing is war. Pendant le sabbat, par exemple, beaucoup de choses sont interdites à un juif pratiquant. Les lois du sabbat sont extrêmement rigoureuses et on ne peut les transgresser sous aucun prétexte, sauf si une vie humaine est en cause. Et c'est parce que la vie humaine est sacrée que rien n'est plus terrible que la guerre. And our tragedy is that we've come back and we're still at war over and over and over again. Notre tragédie est que depuis le moment où nous sommes revenus sur notre sol, nous avons été et nous sommes toujours et toujours en guerre. Shimon Peres, vous êtes l'héritier spirituel de Ben Gurion, ce qui vous a opposé souvent et vous oppose encore à Golda Meir dans bien des domaines. Vous approuvez sa formule « être juif, c'est être différent ». Je pense qu'être français, c'est être différent. Et certainement être juif, c'est être différent. À ce point de vue, je suis un maoïste qui pensait sur la montre comme sur un jardin où il y a les différentes fleurs. 1000 fleurs, 100 fleurs, je ne sais pas. Le judaïsme, peut-être ce n'est pas une fleur, c'est un esprit, mais aussi dans le même jardin. Et je pense que le monde devenir extrêmement pauvre si tous les fleurs et tous les esprits devenir la même. C'est les différents qui donnaient les nourritures de notre esprit. Et certainement que le judaïsme, par conception, par tradition, par histoire, c'est un phénomène différent que les autres. Nous cherchons à établir un pays qui est différent. Nous ne voudrions pas devenir un moderne, un grec moderne, mais si vous voulez continuer les Grecs anciens ou les Israël anciens, un pays socialiste, juif, démocratique, pacifique, qui cherche toujours l'expérience sociale nouvelle, qui peut offrir des prochaines générations une tradition qui n'est pas commerciale au matériel seulement. Loukadar, je vous ai demandé d'être notre guide au cours de ces émissions, car vous travaillez avec Golda Meir depuis plus de 30 ans. Mais je voudrais revenir à son fameux et triomphal voyage en Russie. Ça a dû être une émotion extraordinaire pour elle. Elle vous en a parlé à son retour? Non, elle ne m'a rien dit. Oh, pour elle, c'était quelque chose de très important de revenir comme représentante d'un pays, dans le même pays qu'elle avait quitté lorsqu'elle était petite, dans un pays, enfin, pas qu'il avait rejeté, mais enfin, dont sa famille avait voulu partir, à cause de la misère dans laquelle il vivait, à cause de la situation générale des Juifs, qui était épouvantable, et pour elle revenir comme représentante d'un pays libre. J'imagine que c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous avez accompagné Golda Meir un peu partout à travers le monde. Il a dû se passer des choses assez pittoresque parfois, non? Je sais seulement que dans nos premières visites ensemble, lorsque je l'accompagnais, lorsqu'elle devait faire une visite protocolaire chez un ambassadeur qui, en principe, devait parler le français, disons, des ambassadeurs de l'Amérique du Sud, des ambassadeurs de l'Europe orientale, il disait qu'il parlait le français, c'est pourquoi j'accompagnais Madame Meir. Alors, les premières fois, ça a été... Après, ça a été assez amusant. Parce que ça commençait comme ça. L'ambassadeur s'adressait à moi, puisqu'il savait que c'est moi qui parlais le français, et me demandait « Comment êtes-vous arrivé ?» Moi, je comprenais très bien, c'était pas à moi à lui répondre, alors je demandais à Golda, en hébreu, « Comment sommes-nous arrivés ?» Et la première fois, elle m'a regardé, elle m'a dit « Tu ne sais pas ?» Alors je lui dis « Moi, je sais, mais lui ne sait pas. » « Ah, alors dis-lui, en avion. » Alors je disais « En avion, monsieur l'ambassadeur. » Ensuite, l'ambassadeur me demandait « Où habitez-vous, madame ?» Alors je lui demandais « Où habitons-nous ?» Alors de nouveau, elle sursautait, « Quoi, tu ne sais pas ?» Je disais « Mais si, moi je sais, mais lui ne sait pas. »« Ah bon, dis-lui à l'hôtel. »« À l'hôtel, monsieur l'ambassadeur. » Et enfin, ça continuait comme ça. « Quel est votre ministre des Affaires étrangères ?» Alors je lui demandais « Quel est notre ministre des Affaires étrangères ?» Alors du coup, elle était outrée, elle disait « Quoi, tu ne sais pas ?» Je disais « Mais si, moi je sais, mais lui ne sait pas. » Mais à peu près, je crois, à la cinquième visite, quand je lui ai demandé « Comment sommes-nous arrivés ?» Alors, elle m'a répondu « Adodan ». Alors, j'ai pensé « ça va ». Et j'ai répondu, en fait, très froidement, à l'ambassadeur, « En avion, monsieur l'ambassadeur. Et où habitez-vous, madame ?» Et j'ai demandé à Golda « Où habitons-nous ?» Elle m'a demandé « Dans une grande tente ». Alors, j'ai répondu « À l'hôtel, monsieur l'ambassadeur. » Et après, j'ai eu beaucoup de mal à conserver mon sérieux, et elle aussi, du reste. Non, nous avons très souvent beaucoup ri ensemble. Vous avez prononcé beaucoup de discours très importants. You made many, many speeches very important. Too many. Trop. Vous ne les écrivez pas, je crois. Vous improvisez? I used to read my speeches at the UN, because otherwise they don't get into the press. You have to hand it out to the press before. And official statements in the Knesset. Word, every word is important. But I hate it. I don't like to have a paper between me and my audience. I have to talk to the audience. Je n'ai lu mes discours que devant l'ONU et lors des sessions officielles de la Knesset, où chaque mot compte. Mais je déteste ça. Avoir un papier entre moi et mon auditoire, non. J'aime parler directement aux gens. Elle l'a encore jusqu'à ce jour, ce don remarquable de parler dans une réunion publique. Jacob Zur. Il peut y avoir 3000 personnes dans la salle. À Buenos Aires, je l'ai même entendu parler dans une salle qui réunissait 30 000 personnes. Et chaque personne avait l'impression qu'elle lui parlait personnellement. La presse, française et étrangère en France, et adorait l'entendre. Et puis, elle emploie un vocabulaire très simple. Les grandes phrases, c'est pas son genre. Et elle était toujours très impressionnante. Tout spécialement, je dirais, dans un contact personnel. Ce qui caractérise Golda, c'est que quand elle dit « J'ai fait ceci par ordre de mon parti », elle est tout à fait sincère. Bien souvent, elle a changé d'opinion parce que le parti ne l'a pas suivi. Elle sera aussi sincère en faisant quelque chose qui ne lui paraissait pas au premier abord comme juste, mais du moment que c'est la décision du mouvement, je dirais, plutôt que du parti. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbeau. Avec Lou Kadar, Shimon Peres, Jacob Zur. Avec Denis Jans. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. People usually, I think, do not like people that are different. And people that are different, and they are obstinate, they won't give up. Le malheur est que les gens n'aiment pas ceux qui ne leur ressemblent pas, ceux qui sont différents. Et ceux qui sont différents sont obstinés, ils n'abandonnent pas. Yeah. Dans la série « Les grands contemporains », Patrice Galbeau propose « Entretien avec Golda Meir ». There is a people whose fate is even more tragic than that of the Jewish people. And that is the black people. Avec Eliaou Ben Elissa, Mandera Gazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kada, professeur Yeshayahu Lebovitch, Haru Levavi, Daniel Mayer, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. There is a people whose fate is even more tragic than that of the Jewish people. And that is the black people. En 1904 ou 5, Theodor Herzl écrit dans son journal, dont je vous donnerai un exemplaire tout à l'heure, qu'il y a un peuple dont le destin est encore plus tragique que celui du peuple juif. C'est celui du peuple noir. Aujourd'hui, Madame Golda Meir, je voudrais que vous nous parliez un peu de vos voyages, de vos rencontres. En Afrique, tout d'abord, je sais qu'au cours d'une visite officielle au Liberia, vous avez vu une vieille femme noire qui vous a beaucoup étonné. Oui, c'est une vieille femme. Vous voyez, les Africains, les Christians, ont leur idée de Jérusalem que c'est dans le ciel, que there is no real Jérusalem. Une vieille femme. Certains Africains se font une idée très personnelle de Jérusalem. Pour eux, Jérusalem est quelque part au ciel. C'est une ville irréelle. And the young lady from the Foreign Office who went along with me on my visit said, I have an old mother, and I told my mother that I'm very busy this week with somebody that came from Jerusalem. She said, no, my daughter, there is no Jerusalem. Lors de ma visite là-bas, une jeune femme des affaires étrangères, qui était chargée de s'occuper de moi, me dit « J'ai expliqué à ma mère, qui est très vieille, que j'avais beaucoup à faire cette semaine avec une dame qui venait de Jérusalem. » Et elle m'a répondu « Non, ma fille, Jérusalem n'existe pas. » So I said to this young lady, I'll come in and see her. And I brought a few bottles of water from the Jordan River. So I went in, I gave her this water from the Jordan River, and she looked at me and she said, you come from Jerusalem? I said, yes. She said, are there houses in Jerusalem? I said, yes. Are there streets in Jerusalem? I said, yes. And people live there? Yes. And she looked at me as though I was a ghost. Alors j'ai dit à cette jeune femme, je veux aller voir votre mère. J'ai apporté avec moi quelques flacons remplis de l'eau du Jourdain. Je suis allé voir cette vieille et je lui ai donné un flacon. Elle m'a regardé, elle m'a dit « Vous venez de Jérusalem ?» J'ai dit « Oui. » « Il y a des rues à Jérusalem ?» J'ai dit « Oui. » « Il y a des maisons à Jérusalem ?» J'ai dit « Oui. » « Il y a des gens qui vivent là ?» Oui. Il m'a regardé comme si j'étais un spectre. But then I found out, I traveled a lot in Africa, I found out that very many of them have no idea about Jerusalem. J'ai compris plus tard, au cours de mes séjours en Afrique, j'ai réalisé que très peu de gens savent que Jérusalem existe. They don't know anything too much about Israel, or didn't know, but Jerusalem, of course, they know, the Christians. And they can't understand that Jerusalem is a normal city. Ils ne savent pratiquement rien sur Israël, mais Jérusalem, ils ne peuvent pas imaginer que ce soit une ville comme les autres. It's something in heaven. There is no such thing as Jerusalem, but streets and people and houses and stores and schools and so on. Ça représente quelque chose d'immatériel, mais certes pas une vraie ville avec des rues, des habitants, des boutiques et des écoles. Vous avez beaucoup encouragé une politique israélienne en Afrique. Cela n'a pas empêché les Africains de tourner le dos à Israël. Well, we didn't go into Africa for politics. Nous ne sommes pas allés en Afrique pour des raisons politiques. We were the first ones that came into Africa in countries that had not yet gotten their independence. But when it started, nous avons été les premiers à nous tourner vers ces pays qui n'avaient pas encore conquis leur indépendance. We came in because we instinctively felt that Jews, maybe more than other people, will understand. And we understood. Mais quand ils l'ont voulu, nous nous sommes rapprochés d'eux. Car nous avons senti instinctivement que nous, Juifs, devions les comprendre. Et nous les avons compris. Theodor Herzl, in 1904 or 1905, in his diary, and you ought to get it, make a note of it, and you'll get it if you ask Luca Dar or you ask our foreign office, has in his diary that there is a people, after he called the first Zionist Congress, there is a people whose fate is even more tragic than that of the Jewish people, and that is the black people. En 1904 ou 5, Theodor Herzl écrit dans son journal, dont je vous donnerai un exemplaire tout à l'heure, qu'il y a un peuple dont le destin est encore plus tragique que celui du peuple juif. C'est celui du peuple noir. And then he goes on explaining the tragedy of that people, how they're thrown into slavery. Il raconte la tragédie qu'ont vécu ces gens, l'esclavage. And he says, as soon, he said, people will laugh at me, but I say, as soon as I will have solved the Jewish problem, I will devote myself to help solve the problem of the black people. Il écrit, on rira de moi, mais je vous le dis, dès que sera résolu le problème juif, je consacrerai ma vie à aider les Noirs à résoudre leurs propres problèmes. That is Herzl way back. That means when he became conscious of the tragedy of the Jewish people, he couldn't close his eyes to tragedies of other people. Et dès que Herzl est devenu conscient de la tragédie juive, il ne pouvait plus fermer les yeux sur la tragédie que vivaient d'autres peuples. And when the African black continent began fighting for its independence and becoming independent, Liberia, of course, was an old country, but Ghana was the first new country that gained its independence. We were there with the people, and we said, look, we have experience that we want to share with you. Quand l'Afrique noire a commencé à lutter pour conquérir son indépendance, et quand cette indépendance est enfin devenue effective, pour le Ghana en tout premier lieu, nous nous sommes tournés vers ces peuples et nous leur avons dit, écoutez, nous avons notre expérience et nous voulons vous la faire partager. And there are thousands of Africans from all over Africa that studied here, some short courses, 3 months in the farms, medical students, 7 years in our universities, in the Technion and Haifa, and many, many hundreds of Israelis went into African countries to work with them there. And we didn't want to stay there. We came to help them and for them to take over. Alors, des milliers d'Africains de tous les pays d'Afrique sont venus ici pour apprendre, que ce soit 3 mois dans nos fermes ou 7 ans dans nos facultés. Et des centaines et des centaines d'Israéliens sont allés en Afrique pour les aider à travailler. So, of course, what did we want? We wanted their friendship. But we didn't make any conditions. Nous n'avons jamais eu l'intention de nous implanter là-bas, mais seulement de les aider à trouver leur voie. Que demandions-nous? Leur amitié. Nous n'avons posé aucune condition. We thought that this was a natural thing for us to do. Nous avons pensé que ce que nous faisions là était normal. Now they have turned against us. Not in their hearts. Maintenant, ils nous ont tourné le dos, mais pas au fond d'eux-mêmes. So when people say, you see, you believed so much in the Africans, look what they're doing to us. I say, I believed in the Europeans too, so look what they're doing to us. Alors des gens disent, vous voyez, vous qui avez tellement cru en l'Afrique, vous voyez ce qu'ils vous font? Bien sûr, mais j'ai cru à l'Europe aussi, et regardez ce que nous fait l'Europe. You could expect more of the Europeans there. Independent for ages and... Nous étions en droit de beaucoup attendre des Européens. So I don't have any special antagonism against the Africans. I'm sure they'll come back to us. In their hearts, they're with us. But same as all over the world. Non, je n'ai pas de rancœur envers l'Afrique. Ils nous reviendront. C'est partout pareil dans le monde. L'histoire est une question de moment. It's a question of moment. Yes, I think so. I believe in it. Exactement. Oh, oh, Mahakolo Chamabalaila. Oh, Tanameyale. Oh, La Mahatanameyale Chamabalaila. Ki urae. Pensez-vous qu'en politique, il soit préférable de dire la vérité? You think in politics it's better to say the truth? I don't know any other politics except saying the truth. I don't believe that diplomacy means not to say the truth. I think the best diplomacy is to tell the truth. Dire la vérité est la seule politique que je connaisse. Je ne crois pas que diplomatie signifie mensonge. La meilleure diplomatie est basée sur la vérité. Sometimes it's a bitter truth. But that's the situation. If it's a bitter situation, the truth is bitter. Elle est parfois cruelle si la situation l'exige. Elle peut même être dangereuse. I was never a diplomat. If a diplomat means double talk, and white is black, and black is white, and sometimes it's gray, it's either white or it's black. Si être diplomate, c'est employer des mots à double sens, dire que ce qui est blanc est noir, et ce qui est noir est blanc ou gris parfois, alors non, je n'ai pas été un bon diplomate. Pour moi, ou c'est blanc ou c'est noir. Je disais l'autre jour, Loukadar, que vous aviez toujours travaillé avec Golda Meir. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact, car il y a eu une période où vous avez repris votre indépendance. Alors, je voudrais vous demander comment, Madame Meir, comment vous a-t-elle récupérée, si je puis dire? C'est un jour qu'elle devait partir pour l'Afrique, et dont une partie de l'Afrique ex-française, l'Afrique francophone, qu'elle m'a demandé de l'accompagner. Alors nous avons fait un long et très intéressant voyage en Afrique. Nous étions toutes les deux, nous nous sommes très rapprochées. Quelle était la politique africaine de Madame Meyer? Madame Meyer était intéressée à faire la connaissance des chefs des États, des personnalités africaines qui allaient, comme nous, comme elle, prendre la tête de nouveaux États. Elle en avait rencontré déjà plusieurs dans des réunions de l'international en Europe. Elle en connaissait plusieurs. Et elle savait que leur but, après avoir acquis l'indépendance, était de faire tout ce qu'ils pouvaient pour développer leur pays, pour que leur peuple ait plus d'éducation, pour que les pays, avec les ressources ou le manque de ressources qu'ils avaient, se développent, etc. Et comme nous avions une certaine expérience, pas une grande expérience, mais quand même, parce que l'agence juive avait dirigé un peu, même du temps des Anglais ici, le développement du pays. Nous avions par exemple notre réseau scolaire, nous avions des fermes qui produisaient, nous avions un système d'irrigation. Alors elle pensait que si elle pouvait aider ses amis qu'elle avait fait déjà en Europe, ses amis d'Afrique, à surmonter les difficultés que nous avions surmontées ici, ce serait quelque chose de bien. Et alors elle voulait les voir, elle voulait leur parler, ils étaient intéressés à la voir, et elle était prête à leur proposer d'envoyer des gens de chez nous pour voir ce que nous avions fait, d'envoyer de chez nous des experts en plusieurs matières chez eux pour leur apprendre aussi à travailler la terre, à faire de l'irrigation, etc. Et c'était le but en général de ces visites en Afrique. Et je l'accompagnais pour traduire. En 50 années de vie politique, Madame Meyer, vous avez rencontré tous les grands de ce monde. Qui a fait sur vous la plus forte impression? Look, that's difficult to say. I met so many people, and each one is important or was important at the time. C'est difficile à dire. J'ai effectivement rencontré tellement de gens qui tous étaient importants à leur époque. I met many African leaders who made a great impression on me. Kenyatta. I met him when he wasn't so young anymore, and after he was in jail, after he was imprisoned, I met him after, well, as a matter of fact, when Kenya became independent, I went to the celebration. Certains chefs africains m'ont beaucoup impressionné. Kenyatta en particulier, que j'ai vu alors qu'il sortait de prison. I met De Gaulle, met Kennedy, Senghor. J'ai rencontré De Gaulle, Kennedy, Senghor. Et le pape. There's only one pope in the world. Il n'y a qu'un pape au monde. Pourquoi avez-vous souhaité cette rencontre avec Paul VI? Why did you want to see the pope? Well, as you know, the Vatican has now officially recognized Israel. And quite a few of our people during the years had contact. Le Vatican n'a jamais reconnu Israël officiellement. Les contacts n'étaient pas établis. All our ambassadors that were in Italy had contact with the Vatican, not necessarily with the Pope. And when I was on a visit to Europe, And our ambassador, who was then Mr. Najjar, said that the Pope is prepared to receive me. Naturally, I thought it was an important thing. Alors, quant au cours d'un de mes voyages en Europe, notre ambassadeur auprès du Vatican m'a fait savoir que le pape souhaitait me recevoir. J'ai pensé que c'était important. And during the conversation, the Pope said, "This is a historic moment," and I agreed to it. Et au cours de notre conversation, il m'a dit, "C'est un moment historique." J'ai acquiescé. The head of the Catholic people, the Pope, meeting a Jewess, and the Jewess as Prime Minister of a Jewish state. It's considering everything that happened in the world among Jews and non-Jews and so on, it was a historic moment, and I was very happy and very appreciative that the Pope was gracious enough to meet me, and he certainly makes a great impression. Le chef du monde catholique rencontrant une juive et une juive premier ministre de l'État juif, si l'on se souvenait de tout ce qui s'était passé dans le monde, aussi bien contre les juifs que contre les non-juifs, c'était en effet un moment historique. J'ai beaucoup apprécié cette initiative du pape. Ce qui ne vous a pas empêché, je crois, de lui avoir parlé un peu brusquement. When the Pope said to me that he's surprised, or something like that, I'm not quoting him exactly, that the Jewish people that have suffered so much in the world has no feeling for the suffering of other people, the Arab refugees and so on. Well, I couldn't take that. Quand le pape m'a dit sa surprise, c'est pas le terme exact, mais je ne me rappelle pas précisément les mots qu'il a employés. Non, sa surprise en constatant que le peuple juif, qui avait tant souffert, fasse preuve d'aussi peu de pitié pour la souffrance des autres, des réfugiés arabes en particulier. Alors là, je n'ai pas pu tolérer ça. I said, you're talking to a woman of the Jewish race, that the first memory that I have is pogroms. And for decades in Israel, we have been attacked over and over and over again. Just because we have a little slip of the vast territory in the Middle East with 20 Arab independent countries, and the Jews should be the only people in the world that forever should have no independence and always be dependent, whether some people want to be kind to them or some people want to kill them. J'ai répondu, vous parlez en ce moment à une femme juive dont le premier souvenir d'enfance est un pogrom. Depuis des dizaines d'années, Israël est attaqué sans répit pour la simple raison qu'il est établi dans une petite parcelle d'un gigantesque territoire que se partagent 20 pays arabes indépendants. Et il faudrait que les Juifs soient le seul peuple au monde à ne pas être indépendants, à toujours trembler devant les autres, à ne jamais savoir si les autres vont être gentils ou s'ils vont nous tuer. Maybe you don't talk like that to a Pope, but I'm not accustomed, I won't accept from anybody that Jews have no feeling for sufferings of others. C'est peut-être pas ainsi qu'il faut s'adresser à un pape. Mais jamais je n'ai toléré de qui que ce soit, et jamais je ne tolérerai que l'on dise devant moi, les Juifs sont sans pitié pour la souffrance des autres. But afterwards was a very nice conversation. And the Pope went out of his way to say that he is very appreciative of how we treat the Christian holy places in Jerusalem. Which I was very glad that he made note of that, because that's true. À part ça, notre conversation a été très agréable et le pape a tenu à me dire à quel point il appréciait notre attitude et nos soins envers les lieux saints chrétiens à Jérusalem. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbeau. Avec Lou Kadar, Denis Jans. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. I was never a diplomat. If a diplomat means double talk, and white is black and black is white, and sometimes it's gray, it's either white or it's black. Si être diplomate, c'est employer des mots à double sens, dire que ce qui est blanc est noir, et ce qui est noir est blanc ou gris parfois, alors non, je n'ai pas été un bon diplomate. C'était les 5e et 6e volets d'une série de 10, diffusés la première fois les 16 et 19 décembre 1977 sur France Culture. I hear music when I look at you, a beautiful theme of every dream I ever knew. Down deep in my heart, I hear it play. I feel it start, then melt away. I hear music when I touch your hand, a beautiful melody from some enchanted land. Down deep in my heart, I hear it say, is this the day? I alone this lovely strain. I alone have heard this glad refrain. Must it be forever inside of me? Why can't I let it go? Why can't I let you know? Why can't I let you know the song my heart would sing? That beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, the song is you. Beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, the song is you.